journées au bureau ne sont pas de tout repos. Je ne compte pas les heures devant l'ordinateur, branché sur internet, avec vue sur la planète. J'analyse le marché, y'a de quoi déprimer. Mais quand le patron n'est pas là, la la la la la la la la la la, je clique sur les photos intimes de femmes très sympathiques aux charmes anonymes. Je surfe sans complexe sur la pose de la cive. Je garde des réflexes au cas où quelqu'un arrive. La la la la la la la la. Il m'a grillé, il commence à gueuler. Mais si tu crois que je te paye pour te rincer l'œil. Moi je lui dis que ça me détend, alors c'est bon pour les affaires. Et pendant ce temps, je touche pas la secrétaire. J'ai perdu mon emploi et je reste chez moi, branché sur internet pour me vider la tête. Je pourrais acheter en ligne ou apprendre la cuisine, ou même chercher du taf, tiens pourquoi pas photographe. Mais quand ma femme n'est pas là, la la la la la la la la la la, je clique sur les vidéos amateurs de charmants couples lyriques débordant de vigueur. Je surfe sans scrupule dans leur chambre à coucher, même si je calcule le temps pour tout débrancher. La la la la la la la la. Elle commence à gueuler. Oh, je comprends mieux pourquoi tu n'as plus envie de moi, t'es vraiment qu'un salaud. Alors là j'ai dit stop, repartons à zéro, achetons un caméscope. J'ai perdu ma femme, mais j'en fais pas un drame. Je reviens chez mes parents comme au bon vieux temps. Je squatte dans le garage, je profite du chômage, j'ai même la DSL, alors la vie est belle. La la la la la la la la. Je clique, planqué dans le grenier. Et tellement que je clique, j'en ai mal au poignet. Je surfe sans limite et j'en prends plein les yeux. J'ai vu le drôle de site, j'ai vu des trucs affreux. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. J'aurais dû m'arrêter avant de le regretter. J'ai vu ce film que j'aurais pas dû voir, et depuis je déprime et je fais des cauchemars où je revois ma femme filmée dans notre salon en train de se taper mon ancien patron. La claque que j'ai pris dans la gueule, j'ai frôlé une attaque et je me suis senti très seul. Frappé par la stupeur, je pouvais même plus bouger. Et pendant trois quarts d'heure, je suis resté regarder et j'ai vu défiler sur cette putain de vidéo la moitié de mon quartier et tous mes collègues de bureau. Je suis resté comme